Bonsoir et bienvenue sur Sous l'emprise de l'alcool, épisode numéro 1. Après l'échec, le naufrage numérique, sonore et populaire que fut le pilote, j'ai décidé de continuer. Alors ce soir, pour le plaisir des petits et des grands, on va parler punk et nostalgie. Si comme moi vous êtes un vieux con qui a grandi avec du punk français dans les oreilles lors de sa folle adolescence, vous allez adorer ce qui va suivre. Le titre de l'émission de ce soir, Petit Quepon deviendra vieux. L'émission sera consacrée à tout ce qui est punk, rock, alternatif, underground dans les années 80-90 en France uniquement. Et pour bien commencer cette playlist, on va s'écouter un petit Beru, les Berruriers Noirs. L'année 86, la maison de production Bondage, les vrais savent. Allez, c'est parti pour Empereur Tomato Ketchup. Au pays de l'empereur, tomate au ketchup, les enfants sont rois et ils font la loi. Tour du côté, tour les cotons, c'est l'année zéro de la rébellion. L'heure de la révolte a enfin sonné, l'état d'enfant roi est partout proclamé. C'est vraiment terrible. Alors les adultes, il faudra être sage. Je peux vous Ok, après les Bérus, un groupe phare des années 80, les Garçons Bouchers. Alors, formé en 86, ça s'appelait avant les Bolchoskines. Deux éléments clés dans ce groupe, Piero Sapu et François Gilazzaro. Ils vont nous livrer ici une reprise bien rapide, bien efficace, des Comédiens de Charles Aznavour. Allez, on s'écoute, Viens par les Garçons Bouchers. Donc c'était les Garçons Bouchers avec Viens. Alors si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de ce groupe, à ce qu'ils sont devenus, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur YouTube et vous chercher Piero Sapu, sa nouvelle vie, ses galères, les merdes qu'il a eues dans sa vie et qui l'ont amené à devenir bénévole pour le Secours Catholique. C'est triste, mais c'est à voir. Ok, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus rigolo. On va s'écouter les Ludwig von 88. C'est un groupe qu'on a du mal à décrire. Allez, on s'écoute, tuez-les tous. Quel sang lui réserve-t-on? On le brise en morceaux. Et moi, je lui écrase en le... Strangulation! Tranchons-lui la gorge. Je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela. Mettre la colle, à tout le Rayon, tirer dans le tas, à tout le Bastion, le réponse de là, sous le chemin de la chasse, et claquer jusqu'au cœur, à tout le Bastion, la serveur en purée, les grands rappelés, tuer, pour faire virer les verres, on va traiter les os, est-ce qu'à cuisiner, est-ce qu'à s'arracher, pas toujours dans la gerbe, des moyens de mystère, en tirant le lent, la gueule sur le sang, les mâchoires enfoncées, et les surépuisées, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tu c'était Ludwig avec Tuer les tous. Alors c'est tiré de l'album Oulala 2 La Mission, sorti en 87, album que je recommande. Toutes les chansons sont un peu folle dingue, c'est bien barré, c'est rapide, c'est efficace, on aime. Allez, sans plus attendre, on va enchaîner avec Parabellum sur l'album Parabellum, produit en 90, et on s'écoute La Belle. Ok, maintenant, direction le sud de la France, Montpellier. Le rock, le sud, ça nous donne OTH, un album sorti en 86 sur des charbons ardents, et on s'écoute le rap des rapetous. Des phares, on voit briller leurs yeux d'un petit éclat malicieux. Ils redeviennent même c'est l'aventure qui repart. Toujours même pour le rap, voilà une vie qu'elle est bien. Voici les rapetos, venez danser le rap. Venez danser le rap, venez danser le rap. Les rapetos, waouh. Nous sommes les frères rapetos. Nous sommes les frères rapetos. Prenez garde à vos sous. Hop. Nous sommes les frères rapetos, prenez garde à vos sous. Nous sommes les frères rapetos, surveillez vos bijoux. C'est quand il fait nuit que nous sortons de notre tanière. On renifle de loin les coffres fort remplis d'or. Prenez garde à vos sous, car nous sommes les frères rapetos. Nous sommes les frères rapetos, prenez garde à vos sous. Nous sommes les frères rapetos, surveillez vos bijoux. C'est quand il fait nuit que nous sortons de notre tanière. On renifle de loin les coffres fort remplis d'or. Prenez garde à vos sous, car nous sommes les frères rapetos. Nous sommes les frères, nous sommes les frères rapetos. Nous sommes les frères, nous sommes les frères rapetos. Bien, bien, que du bon tout ça, que du bon. Pour la suite, on va rester du côté de Montpellier, avec les Ramones français. J'ai nommé les Shérifs. C'est rapide, c'est bon, c'est du pogo, l'énergie est tout au taquet, et on va s'écouter une chanson bien particulière, Bongo Kid. Car n'oublions pas, le rock'n'roll n'est pas pour les enfants sages. Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid. Il en a assez fait pour un petit poids. Le vide laisse des traces sous sa peau. Les hommes laissent des traces dans son cerveau. Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid. Y'a qu'à voir sa tête et ses yeux doux. Au moins lui il fait pas de manière. Bongo cogne et pense comme un putain zèle. Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid. C'est pas pour les enfants sages. C'est pas pour les enfants sages. Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid, Bongo Kid. Bien, après autant d'énergie, on va calmer un peu le jeu. On va s'écouter une chanson plus douce, mais avec pas mal d'humour. Pour ça, on peut faire confiance au VRP, groupe parisien. On va s'écouter Macramé les doigts sur l'album Retire les nains de tes poches, sorti en 90. Ans. laide aux cheveux longs, c'est l'émancipation. Sous son cuir chevelu, la tendresse a vaincu, son bombeur a poussé, ses tatouages aussi. Les fleurs ont remplacé le serpent et l'épée. Il était parti au Népal, où les skis ne sont pas légion, avec son tatouage morvache. Les Indiens l'ont pris pour un con. Il est revenu au grand air, en pleine Ardèche, il prend son pied, avec le seul truc qui sache faire, des croix gammées en macramé. Skinhead aux cheveux longs, c'est l'émancipation. Sous son cuir chevelu, la tendresse a vaincu. Son pauvre a poussé, ses tatouages aussi. Les fleurs ont remplacé le serpent et l'épée. Le drapeau tricolore qu'il avait dans sa chambre a perdu son éclat. À grand coup de javel, il fait pleurer sa mère et ne veut plus entendre que du Ravi Shankar ou du Alan Stevens. Ensuite, on va s'écouter un groupe que j'aime bien et je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, moins connu que les autres, mais des bonnes paroles, un groupe parisien. On va s'écouter Les Cadavres. Alors l'album, c'est L'Art de Mourir, sorti en 93, et la chanson Né pour crever. En flamme, MBC. Cadavre, maintenant, on va repartir chez Boucherie Productions. Le classique. Sorti en 1988, l'album Pachenka, la Mano Negra. Et on écoute tout de suite Killing Rats. You ready? Now, break it. In the city just down by the river, all the rats ran crazy, got fame, made a silver, killing rats. They're cruising downtown, their eyes full of anger. If they can't hurt you, then we'll find another killing rat. They shot down your father, they spit on your mother, red, brown, and girls, girls, and slaughter your brother, killing rats. Suivant, on va retrouver François Gilazzaro, toujours à Boucherie Productions, Les Carayos, avec leur album Au prix où sont les courges. Le morceau s'appelle Chicoutimi. Yeah. s'acharner. Faire un petit vent passe. L'album Les Vents Passent Vous Aiment, sorti en 90. La chanson Puta. Maintenant, direction les années 88, on va écouter du Gypsy Punk. Vous saviez pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est le nom, avec les négresses vertes. La chanson « Les yeux de ton père ». Hey!

Ok, il va être l'heure de se quitter. Pour la dernière chanson, on va faire un grand bond en avant. En 2011, c'est une chanson des Fatal Picard. Elle s'appelle Noir. C'est un hommage au rock des années 80-90. Avant qu'on devienne des gros cons, des vieux cons, on avait des espoirs. Il reste plus grand chose. Quelques albums, quelques bonnes soirées, des souvenirs. On a laissé les gens derrière nous, nos idéaux. Mais des fois, ça fait du bien de se rappeler qu'on a été jeunes et qu'on a cru à des trucs. Voilà. Donc, pour cette dernière chanson, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que Petit Punk est devenu vieux. Allez, à plus. You're punk.